بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on commence inshallah le cours. بسم الله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 115 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله. اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. Et on est arrivé à la page 810. Et c'est donc, comme j'ai dit, le cours 115. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, on était en train d'expliquer au dernier cours que il peut y avoir des, comme on dit, on a mentionné le fait que il n'y a pas de mérite particulier ou bien de préférence ou d'excellence ou de supériorité à l'arabe sur le non-arabe ou au non-arabe sur l'arabe, de même que pour le blanc sur le noir ou le noir sur le blanc, excepté par la piété. Et on a expliqué également que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat al-Jumu'ah, versets 2 et 3, il dit « وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ » Et on avait expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué ce verset-là en disant que il avait donné l'exemple de Salman al-Farisi et des Perses, hein, en voulant dire que parmi les non-arabes, il y en a également qui font partie des gens de la foi et qui peuvent également faire partie des gens de science. Et on a donné des exemples de ça aussi, pour dire que même parmi des grands ulamas de l'islam, hein, il y en a eu qui étaient justement des Perses et de d'autres origines également. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il va élaborer maintenant sur ça. Donc le Cheikh, il dit « وَمِزْدَقُ ذَلِكَ مَا وُجِدَ فِي التَّابِعِينَ وَمَنْ ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم حتى صار هؤلاء المبرزين في ذلك أفضل من أكثر العرب وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك وبينهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء. Donc ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, et pour confirmer cela, hein, on a trouvé, ou bien on a vu parmi les tabi'in et ceux qui sont venus après eux parmi les fils de la Perse, hein, qu'ils soient parmi les gens libres ou les esclaves, comme par exemple Al-Hassan al-Basri et Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin et Ikrima, hein, l'esclave libéré de Abdullah Ibn Abbas, et d'autres également donc on a trouvé parmi eux des grands savants qui étaient parmi les meilleurs et parmi les plus grands parmi les plus grands dans la foi, dans la religion, dans la science, hein, jusqu'à ce qu'ils deviennent meilleurs et plus en avant, même plus en vue dans la science et dans la foi que beaucoup d'entre les Arabes, hein, meilleurs et plus en avance dans la foi et dans la science de l'islam que beaucoup d'entre les Arabes. Et le Cheikh, il dit de même que dans les différentes catégories de non-Arabes, comme par exemple les Éthiopiens, les Romains, les Turcs et d'autres également, il y a parmi eux des individus qui ont été dans les premiers parmi les croyants et dans la foi et dans la religion. Et on peut même pas les... c'est-à-dire, ils sont d'un nombre... On peut même pas calculer la quantité tellement ils sont nombreux. Et ça, c'est quelque chose qui est connu, hein, chez les ulama. Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ça. Il dit أي مصداق ما جاء في الآية والحديث الذين مضى ذكرهما في أن الإيمان لو كان عند الثريا لتناوله رجل أو رجال من أهل فارس فيما ظهر من الأئمة المبرزين من الفرس ومن الأعاجم مثل الحسن ابن أبي الحسن البصري إمام التابعين ومثل محمد بن سيرين الإمام الجليل وهما من العجم وعكرمة البربري مولى بن عباس. Donc le cheikh il dit, et pour confirmer ce qui a été mentionné, c'est-à-dire pour confirmer ce qui a été dit dans le verset, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, et d'autres également, autres que ceux-là, c'est-à-dire autres que les croyants parmi les croyants qui ont cru parmi les Arabes, لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, qui ne les a pas encore rejoints, ou qui ne les ont pas encore rejoints, Donc, il y en a parmi les Perses, parmi les gens de d'autres pays, parmi les étrangers, parmi les non-arabes qui n'avaient pas encore accepté l'islam. Et on a donné des exemples de ça. Et donc, il dit, ça confirme qu'est-ce qu'on voit, le fait que parmi les gens de la foi, il y en a des gens de toutes ces différentes nations-là et de ces différents peuples. Et il dit, et ça qu'est-ce qu'on a mentionné donc, confirme ce qui est dans le verset et dans le hadith. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit à propos de la foi, que si la foi était dans une étoile qu'on appelle al-Thuriya, eh bien il y a des hommes parmi les Perses qui seraient partis jusqu'à cette étoile-là pour essayer de l'atteindre. Donc il dit, c'est ce qu'on a vu justement parmi les grands imams qui ont été à l'avant-scène de la religion, de la science, parmi les Perses, parmi les non-arabes. Comme il cite des noms, Al-Hassan al-Basri, Al-Hassan al-Basri qui était un des grands parmi les tabi'in. Quand on dit les tabi'in ou bien les tabi'un, qui est-ce que ça signifie? On parle de qui? On parle des premiers, c'est-à-dire des premiers parmi les premiers de la Ummah qui sont de la génération qui suit celle des Sahaba. Donc les tabi'un sont, si on veut, les élèves des Sahaba. C'est eux qui ont étudié et appris la religion avec les Sahaba. Donc, Al-Hassan al-Basri, il fait partie des plus grands savants parmi les Tabi'in. Et il n'était pas arabe. Il faisait partie des non-arabes. De même que parmi les imams des Tabi'in aussi, un autre qui est très connu et très célèbre, l'imam Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, qui est un très grand imam aussi, qui est célèbre, qui est connu. Et ça, c'est des compagnes, c'est des tabi'in, ils ont étudié avec des grands parmi les sahaba. Par exemple, on dit de, je crois que c'est Al-Hassan al-Basri ou bien Muhammad ibn Sirin, qui ont grandi dans la maison de Aisha, radiallahu anha, puis qui ont étudié avec de nombreux parmi les grands sahaba. Donc, ça, c'était des grands imams de l'islam, et ils ne sont pas arabes. La même chose aussi pour Ikrima, qui était berbère, qui était l'esclave libéré de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc on voit des exemples, et il dit qu'al imam al-Bukhari wa ghayruhu min al-mubarrizin fi ilm al-hadith wa ibn Majah wa al-Nasa'i wa ghayrihim min al-furs alladhina من الفرس الذين من الله عليهم بالإيمان والدين حتى صاروا أفضل من كثير من العرب الذين لم يلحقوا بهم في العلم والفضل وهذا شيء معروف. Donc le cheikh il dit, et de même que l'imam al-Bukhari, on a parlé de l'imam al-Bukhari au dernier cours, et Bukhara c'est une ville qui est dans le nord de la Perse, dans les régions de l'ex-URSS qu'on appelle, je pense c'est dans le coin de Tadjikistan ou Ouzbékistan, ces régions-là. C'est dans ce coin-là que se trouve la ville de Bukhara. Et donc, l'imam al-Bukhari n'est pas arabe. à la base. Et pourtant, il était au devant parmi les grands ulama qui ont été dans l'avant-scène de la science du hadith. De même que l'imam Ibn Majah, Muhammad, il s'appelle Abu Isa, Muhammad Ibn Isa, un des grands imams parmi les imams du hadith. De même que l'imam al-Nasa'i, ils ont tous des recueils de hadith parmi les sunan, les grands recueils de hadith. Et donc il dit, il y en a beaucoup d'autres aussi qui font partie des Perses, parmi ceux à qui Allah a fait la faveur de leur donner la foi et la religion, jusqu'à ce qu'ils deviennent meilleurs que beaucoup d'entre les Arabes. Et même que les Arabes n'ont pas pu les rejoindre dans le niveau de science et de mérite qu'ils ont, et de grâce que Allah leur a donné. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Et comme Allah dit dans le Coran, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Ceci, c'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Et il dit, وَكُتُبُ التَّرَاجُمْ حَافِلَةٌ بِذِكْرِهِمْ وَذِكْرِ فَضْلِهِمْ وَمُؤَلَّفَاتُهُمْ تَشْهَدُ لَهُمْ فَأَصَحُ كِتَابٍ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ صَحِيحَ الْبُخَارِي وَالْبُخَارِي مِنَ الْأَعَاجِمِ فَالْعِلْمُ وَالدِّينُ لَيْسَ حِكْرًا عَلَى جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ وَإِنَّمَا كُلُّ مَنْ قَامَ بِهِمَا وَصَدَقَ فِي قِيَامِهِ بِهِمَا فَإِنَّهُ يَنَالُ هَذَا الْفَضْلُ وَهَذَا الشَّرَفُ min al-ajami wa ghayrihim. Donc le cheikh, il dit, les livres des biographies des ulama sont remplis de leurs mentions et de la mention de leur mérite, et leurs écrits et leurs ouvrages témoignent de leur mérite également, parce que comme exemple le cheikh, il dit, le livre le plus authentique parmi les livres de hadith, le livre le plus authentique après le livre d'Allah, c'est Sahih al-Bukhari. Et al-Bukhari, comme on a dit, fait partie des noms arabes, il n'est pas arabe. Et donc le cheikh, il dit que la science et la religion, c'est-à-dire la science de la religion ainsi que la pratique de la religion, ils ne sont pas le monopole d'une origine ou d'une ethnie ou d'un groupe quelconque parmi les gens, mais quiconque applique cette science, cherche cette science et est sincère dans son établissement de cette science et de cette religion, eh bien il va obtenir ce mérite et cette noblesse, qu'il soit un nom arabe ou autre, peu importe. Et le cheikh dit ensuite, وَلَقَدْ ظَهَرَ فِي بَقِيَّةِ الْأَجْنَاسِ الْبَشَرِيَّةِ كَالْبَرْبَرِ وَالتُّرْكِ وَالرُّومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَنْ بَرَّزَ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَا هِيَ بِلَادُ الْأَنْدَلُسِ فِي أُوروبَا الَّتِي ازْدَهَرَتْ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ بِسَبَبِ الْفَتْحِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْجِهَادِ لَقَدْ كَانَ فِيهَا عُلَمَاءُ الْأَنْدَلُسِ وبها حركة علمية هائلة وقام على بنائها وعمارتها وازدهارها المسلمون من شتى الأجناس وهم كثرة يصعب على المرء الإحاطة بأسمائهم وتعدادهم وتعدادهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Donc le cheikh, il dit, on a vu également dans d'autres nations et dans d'autres ethnies de l'espèce humaine et de la race humaine, des gens comme par exemple l'ethnie des Berbères, des Turcs, des Romains ou bien de d'autres peuples qui également ont pris les devants de la science, de la religion, de la foi et de la lutte dans le sentier d'Allah. Et il dit, regardez comme exemple l'Andalousie qui est une partie de l'Europe, le sud de l'Europe. Et dans cette région que les musulmans ont gouverné pendant 800 ans, 8 siècles. Hein? Et dans cette région de l'Europe, c'est de là que la science et la foi a fleuri avec les conquêtes de l'islam et le djihad, hein, fi sabilillah. Et donc, on a trouvé dans cette région de l'Europe qu'on appelle Al-Andalus, yani beaucoup de ulama, hein, des grands savants de l'islam. Et il y avait un mouvement scientifique là-bas très très fort, très grand. Beaucoup de sciences qui étaient propagées de cette région du monde. Et yani, les musulmans ont bâti, hein, et ont peuplé cette région, ils l'ont fait fleurir alors qu'ils étaient de différentes origines, hein, ils étaient de différentes origines, de différentes ethnies, hein, en Andalousie. Donc c'est pour dire que les gens qui viennent de différentes origines parmi les musulmans, ils sont très nombreux. On peut pas calculer, même il y en a beaucoup de peuples parmi les musulmans qui sont d'origines différentes. Et tu peux pas même calculer leur nom et leur nombre, hein, parmi les ulama qui ont été d'origine étrangère au peuple arabe, c'est-à-dire qui n'étaient pas arabes, et malgré tout ils ont fait des grandes choses pour l'islam et pour les musulmans. Et ça, c'est la grâce d'Allah, comme je disais tout à l'heure, yu'tihi man yasha, il la donne à qui il veut. Le Cheikh, il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, il continue, il dit, إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا فكل من كان فيه أمكن كان أفضل والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك لا مجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض لا بكونه قرويا أو بدويا. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ici que le vrai mérite et la vraie grâce, c'est quoi? Hein? C'est en réalité de suivre ce avec quoi Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la foi, avec la science, et de le suivre intérieurement dans notre cœur et extérieurement dans nos actions et dans nos paroles. Donc toute personne, plus la personne est établie et puis elle applique ça complètement ou d'une manière plus complète, et dans ce cas-là, meilleure elle est, hein, mieux elle est. Donc plus elle applique, plus elle s'accroche à la vérité, plus elle la met en pratique, eh bien meilleure elle est dans ce cas-là. Et le Cheikh, il dit donc, le vrai mérite, c'est uniquement dans le fait d'adopter ces mots-là et ces noms qui sont tirés du Coran et de la Sunna, hein, les mots ou les termes islam, iman, bir, taqwa, ilm, amal salih, ihsan. Donc c'est-à-dire que ces termes-là, c'est ça les termes qui correspondent à des glorifications ou des éloges. Si quelqu'un correspond, ou bien plutôt, si quelqu'un a des caractéristiques qui correspondent à la signification de ces termes-là, comme par exemple le terme islam, qui signifie yani, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et l'application de la religion, et al-iman qui signifie la foi, et al-birr qui signifie la bonté, et al-taqwa qui signifie le fait de se préserver d'Allah et de son châtiment, et de même que la science, les bonnes œuvres. Hein, donc si quelqu'un il est un alim, il applique cette science, il fait les bonnes œuvres, et il est muhsin, il a al-ihsan, tout ça c'est les vrais mérites, et c'est ça qui donne à quelqu'un sa vraie valeur, et qui fait que cette personne est meilleure que les autres si elle est sincère envers Allah dans ça. Et le fait d'être, le Cheikh dit, tandis que le simple fait d'être une personne qui est arabe ou non arabe, ou d'être noire ou d'être blanche, ou d'être quelqu'un qui vient d'une ville ou quelqu'un qui vient de la campagne ou du désert, il dit, il n'y a pas de mérite dans ça. Il n'y a pas de blâme dans ça non plus. C'est-à-dire que la réalité de qu'est-ce que ça implique pour quelqu'un, le fait d'être de telle couleur ou de telle origine ou de tel pays ou de tel endroit géographique, c'est pas ça qui fait que tu es meilleur que quelqu'un d'autre. La réalité, c'est plutôt le fait que tu aies la foi, que tu pratiques l'islam, que tu aies la science, que tu le mettes en pratique, et ainsi de suite. Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là, il dit « Al-Fadlu al-Haqiqi innama huwa bittiba'i al-Rasuli sallallahu alayhi wa sallam, sawa'a kana hadha al-muttabi'u arabiyan aw ajamiyan, والخذلان على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان عربيا فهذا عمه أبو طالب أنزل الله القرآن بذمه ووعيده وهذا أبو جهل المخزومي كان من أفضل بطون قريش فلم ينفعهما نسبهما ولا ضر سلمان وبلالا وغيرهما أنهم كانوا من الموالي فلقد كانوا من سادات السابقين الأولين في الإسلام فالعبرة ليست بالنسب ولا بالبقعة وإنما العبرة بالإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح وهذا هو مناط الفضل. Donc le cheikh il dit que le vrai mérite, hein, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah l'expliquait, c'est uniquement dans le fait de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc peu importe que la personne qui suit le messager soit arabe ou non arabe, hein, ça c'est pas important. Et en ce qui concerne la perte, hein, et la déception et l'égarement, c'est le fait de contredire l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. Même si la personne est arabe et qu'elle contredit le messager ou qu'elle refuse de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors elle est dans la perdition. Hein? Elle est dans la perdition, même si elle est arabe, et l'exemple même de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, hein? Allah a fait descendre un verset dans le Coran pour le blâmer, hein? Et menacer, hein, son état et sa situation. De même qu'un autre parmi les arabes qui faisait partie des gens de la tribu de Bani Makhzoum, hein? Abu Jahl, qui fait partie d'une tribu noble parmi les tribus arabes, hein, qui fait partie de Quraysh, Abu Jahl al-Makhzoumi, et il était parmi les meilleures familles de Quraysh, et cela ne lui a rien profité. Hein, ses liens de parenté n'ont rien fait pour lui. Et il dit et le fait que Salman, hein, n'était pas arabe, le fait que Bilal n'était pas arabe, ça ne leur a fait aucun tort. Hein, même si le fait qu'ils aient été des esclaves, hein, ou qu'ils aient été achetés ou vendus, ça n'a rien diminué et ça leur a fait aucun tort par rapport à leur religion et leur foi. Et même qu'ils ont été parmi les têtes et les plus hauts, parmi les chefs des croyants, ceux qui ont précédé les autres dans la foi, hein, et qui ont été les premiers à accepter l'islam. Donc, ce qui est important, et la leçon qu'on tire de ça, c'est que l'important, c'est pas l'origine de la personne, ni son lien de parenté, ni son origine, ni sa famille, ni sa noblesse, hein, ou l'endroit d'où il vient. Que ce soit par exemple quelqu'un qui vient de la Mecque, hein, tu dis waouh, cette personne elle vient de Mecca, hein, cette personne elle vient de Mecca, donc elle vient du meilleur endroit au monde. Oui, c'est vrai, c'est le meilleur endroit au monde. Toutefois, si la personne, elle n'a pas la foi sincère et elle n'a pas la science bénéfique et qu'elle n'a pas les bonnes œuvres, eh bien, ça ne lui donne aucun mérite, le fait d'être né à tel endroit ou à tel endroit. L'important, c'est pas ça. Hein? Tu dis quelqu'un, il est né dans un endroit, je sais pas moi, en Inde ou en Chine ou au Japon, ou en Amérique du Sud, ou en Amérique de l'Est, Amérique du Nord, Amérique du Sud, ou bien à l'Est de l'Amérique, ou à l'Ouest de l'Amérique, ou bien en Europe, en l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, peu importe. Yani, est-ce que ça fait de lui moins qu'un musulman arabe du centre de l'Arabie? Non, pas du tout. S'il a la foi et s'il a la piété. Tandis que quelqu'un qui vient, qui est né à Mecca et qui abandonne la foi, ou bien qui quitte la foi, ou bien qui n'a pas de foi, hein, et qui vit en face de la Kaaba, s'il n'a pas de foi, est-ce que ça va lui profiter en quoi que ce soit d'être à proximité d'un lieu saint ou de vivre dans un endroit qui est sacré? Ça ne lui servira à rien s'il n'a pas la foi. Et le cheikh il dit: وقوله الفضل إنما هو بالأسماء المحمودة كالإيمان والإسلام والدين فهذه قاعدة مهمة حيث العبرة بالإيمان والعمل لا بمجرد النسب أو بمجرد المكان أو اللغة أو غير ذلك والمدار على العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله عز وجل وهذا ما أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع حين قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى وكلكم لآدم وآدم من تراب فالتفاخر بالشرف والنسب فقد سقط قد سقط فصارت نعوت المؤمنين بدل القبائل ومراتب الدين بدل شعوبها فالانتماء إلى الإيمان بما يحمل من مسميات وأوصاف والتشرف بها أفضل من الانتساب للآباء والأحساب على قاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc le cheikh il explique, il dit le mérite, hein, il est uniquement dans les noms louables et les noms loués, les noms qui sont considérés des éloges et des glorifications, c'est uniquement les noms qui ont été glorifiés par Allah dans la révélation, comme Al-Iman, Al-Islam, Ad-Din, hein? C'est ça les termes et les noms importants auxquels il faut se rattacher et qui peut vraiment apporter à quelqu'un, hein, sa réelle valeur et sa réelle importance. Hein? Tu dis pas, ah, moi je suis bon parce que je suis de telle origine, de telle couleur, de telle ethnie, hein, de telle région du monde. Non, ça n'a aucune valeur. L'important, c'est est-ce que tu es mu'min, est-ce que tu es muslim, est-ce que tu es taqi, est-ce que tu es muhsin, est-ce que tu as du ilm, est-ce que tu mets ce ilm en pratique avec des bonnes œuvres, est-ce que tu es mukhlis, hein, est-ce que tu es sadiq, est-ce que tu es, hein. Donc ça, c'est les termes que Allah a glorifiés. Et ça, c'est au-dessus des autres caractéristiques ou des autres éléments qui sont des éléments uniquement futiles parmi les éléments de la dunya, des éléments yani, qui sont prédéterminés à la base, hein? On les choisit même pas, hein? Y a personne qui peut dire moi j'ai choisi ma couleur avant de naître. Qui peut prétendre qu'avant de naître il a choisi sa couleur? Qui peut prétendre qu'avant de naître il a choisi ses parents? Qui peut prétendre qu'avant sa naissance, il a choisi sa langue, il a choisi le pays où il allait naître? Personne n'a choisi ça. Personne n'a dit, moi, quand je vais naître dans une famille avec les cheveux blonds et les yeux bleus. Hein? Ou bien je vais naître dans telle région du monde. Hein? Ou bien je vais naître dans telle famille qui est noble et riche. Ou bien je vais naître dans une famille qui est quelque part en Chine, dans un petit village où les gens sont des paysans et où ils cultivent le riz. Hein? Ou bien leur religion c'est le bouddhisme, ou bien leur religion c'est l'hindouisme. Personne n'a choisi. Hein? Personne n'a choisi. Mais une fois que tu es né, une fois que tu grandis, une fois que Allah t'a donné la raison, il t'a donné la vue, il t'a donné l'ouïe, il t'a donné le cœur pour réfléchir, tu atteins l'âge de raison, tu atteins la puberté, tu essaies de regarder la création d'Allah, tu cherches, hein, des informations au sujet d'Allah, tu lis les livres qui ont été révélés, tu te renseignes, tu cherches la vérité, et tu es sincère envers Allah, tu lui demandes la guidance et il te guide. Peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens, peu importe ta couleur. Hein? Il n'y a pas de distinction entre les hommes par rapport à ces choses-là en ce qui concerne la vérité et le faux. Si quelqu'un est sincère, Allah le guide, peu importe son origine. Et ça, malheureusement, chez certains musulmans, c'est devenu quelque chose d'étrange. Malheureusement, c'est devenu quelque chose d'étrange. Pourquoi ? Parce que les musulmans se sont éloignés de l'islam, ou bien de la compréhension de l'islam authentique. Hein? Ils pratiquent l'islam, mais ils sont loin de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné et de la façon dont les sahaba l'ont pratiqué. Et quand tu regardes les sahaba, comment ils ont propagé l'islam à travers le monde, comment ils l'ont enseigné aux autres peuples, comment ils l'ont fait, qu'ils l'ont propagé, hein? Eh bien, ils avaient la conscience et la compréhension de l'importance de transmettre ce message, de le faire connaître aux autres et de les inviter à la foi. Et de leur faire comprendre la fausseté des religions, des autres religions qui sont des religions d'égarement. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris ça. Hein? Malheureusement, ils voient des koufars, des non-musulmans, de différentes croyances, de différentes religions, ils les invitent même pas à l'islam. Et ils leur disent même pas qu'ils doivent accepter l'islam. Et ils leur expliquent même pas le tawhid. L'unicité d'Allah, et il leur explique même pas le danger de ces fausses croyances là et le danger d'être en enfer pour l'éternité s'il meurt dans ces religions de shirk et d'égarement. Donc où est-ce qu'elle est la conscience dans ce cas là hein? Où est-ce qu'elle est la conscience dans ce cas là Allahul Musta'an. Donc c'est pour ça que c'est important de revenir à la vraie compréhension de l'islam. Et le cheikh il dit, donc ça c'est une règle importante dans la religion, un principe important dans la religion, que ce qui est important c'est la foi et les œuvres, et non pas uniquement l'origine de la personne, ou son ethnie, ou ses liens de parenté, hein, ou bien sa noblesse, ou des choses de ce genre, ou bien uniquement l'endroit d'où tu viens, ou la langue que tu parles, ou bien d'autres choses de ce genre. Hein? Tout ce qui est important en réalité, c'est la science qui est bénéfique, et les bonnes œuvres, ainsi que la sincérité et la pureté de l'intention et de nos œuvres, pour qu'elles soient accomplies, hein, pour Allah seul, et uniquement pour son visage, avec sincérité, avec pureté dans l'intention, pour personne d'autre que lui. C'est ça le plus important. Et c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé et a déclaré ouvertement dans son discours d'adieu lorsqu'il a fait le dernier hajj, et qu'il a dit: il n'y a pas de mérite à un arabe sur un nom arabe. Hein? Il n'y a pas de mérite à un arabe sur un nom arabe, subhanallah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce discours d'adieu, il détruit des fausses notions, des fausses croyances, hein, des fausses mentalités qui existaient chez les arabes. Il les détruit, il les casse, comme il a détruit les idoles à Mecca. De la même manière qu'il a détruit les idoles quand il est rentré à Mecca, il a conquis la Mecque, il a détruit les idoles, et là maintenant il fait son discours d'adieu, il détruit, hein, il détruit quoi? Il détruit les idées de la jahiliya, la mentalité de la jahiliya. Hein? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de musulmans, hein, ils sont musulmans, ils disent la ilaha illallah, ils disent Muhammad Rasulullah, mais ils ont encore les mentalités de la jahiliya en eux. Hein? Ils ont encore dans leur cœur et dans leur tête les mentalités de la jahiliya. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a pas de mérite à un arabe sur un nom arabe. Hein? Et pourtant cette mentalité elle existe chez certains musulmans aujourd'hui. Certains disent: nous on est meilleurs que les arabes, et les arabes qui disent: nous on est meilleurs que les non arabes. Hein? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de mérite d'excellence ou de supériorité, hein, à l'arabe sur le nom arabe. Hein? L'arabe, par le fait qu'il est arabe, il n'a pas plus de mérite que le nom arabe. Et le blanc, il n'a pas plus de mérite sur le noir. Il n'est pas supérieur, il n'est pas meilleur que le noir. Hein? Et regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Hein? Regardez le pays qui prétend être un des pays les plus avancés sur le plan de l'avancement scientifique et de la recherche et sur les plans économiques et autres, hein, parmi les pays dans le monde. Et tu vois comment, par exemple, ils traitent les peuples ou les ethnies ou les personnes qui sont minoritaires dans leur pays ou qui sont différentes, hein. Comment tu vois, par exemple, ils ont agi envers les Noirs ou les Afro-Américains, comment ils les appellent, hein? Et comment ils les ont pris en esclavage et comment ils les ont traités comme si c'était pas des êtres humains, hein? Et encore aujourd'hui, si tu vas aux États-Unis et tu vois la façon comment, par exemple, les Noirs vivent, hein? Eh bien, tu vois la réalité de cette société-là. Et moi, j'ai de la famille qui vit aux États-Unis, parmi des proches à moi qui sont d'origine haïtienne. Et donc, j'avais l'habitude d'aller aux États-Unis à chaque année. À chaque année, pendant les vacances, j'allais visiter la famille aux États-Unis. Et c'est des choses que j'ai constatées, même j'ai vécu quelques temps aux États-Unis aussi, au New Jersey. Et je peux dire par rapport à qu'est-ce que j'ai constaté, qu'est-ce que j'ai vu là-bas, c'est que tu vois que les quartiers sont il y a une ségrégation qui est appliquée là-bas, et c'est pas, disons que c'est pas quelque chose qui est fait de manière organisée, hein, comme c'est pas comme l'apartheid en Afrique du Sud, hein, avec la ségrégation des noirs et des blancs qui était faite même dans les lois, hein, dans les lois. C'est-à-dire, il y a des lois qui interdisent à ce que les noirs et les blancs soient mélangés ensemble. Mais aux États-Unis, il y a pas il y avait ça peut-être dans le passé, à un certain moment, il y avait ces lois-là, mais là, supposément que ces lois-là sont abolies. Maintenant, c'est supposé que les noirs ont les mêmes droits que les blancs. Pourtant, quand tu vas là-bas, eh ben, tu vois que quand il y a des quartiers des noirs, hein, tu vas pas voir de blancs. Et quand tu vas dans des quartiers de blancs, tu vas pas voir des noirs. Hein? Et qu'est-ce qui est pire encore par rapport à ça? C'est que les quartiers des blancs, c'est les quartiers qui sont toujours beaux et propres et calmes et paisibles et où on ressent une certaine tranquillité. Hein? On ressent une certaine tranquillité parce que c'est bien, c'est propre, c'est beau. Mais quand tu sors c'est pas, en plus c'est pas loin, hein. Tu marches quelques rues, hein. Et quand tu arrives, tu vois tout de suite la différence. C'est comme si on dirait que tu viens d'une zone sinistrée. T'es dans une zone sinistrée. T'es dans un quartier noir. Tu marches quelques rues plus loin, tu arrives dans un autre quartier, on dirait que t'es dans un autre pays. Tu te dis, mais comment ça se fait? Hein? Comment ça se fait? Donc, c'est comme ça, hein, malheureusement. Donc pour dire tout ça, que dans l'islam, il y a pas, dans l'islam, il y a pas cette séparation entre les noirs et les blancs. Il y a pas cette idée que les noirs et les noirs sont supérieurs aux blancs, que les blancs sont supérieurs aux noirs ou des histoires pareilles. Dans l'islam, les musulmans sont des frères, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs. Hein? Ça c'est important. Hein? Il n'y a pas de racisme dans l'islam. On n'a pas le droit d'être raciste. Hein? Et si quelqu'un, un musulman, il est raciste envers un autre musulman ou bien un non-musulman uniquement par rapport à sa couleur, hein, ou à son origine, c'est parce qu'il a de la jahiliya en lui. Il a de la jahiliya en lui, c'est tout. Il n'y a pas d'autres explications que ça. Donc, ça c'est important à comprendre. Et il faut retirer ça dans nos cœurs. Il faut retirer ça dans nos cœurs. Et parce que des fois, les gens, ils ont, ils ont pas compris comment faire pour enlever ces choses-là. Allah musta'an. Une fois j'étais à Médine et puis j'ai connu un Saoudien qui était d'origine africaine, c'était un Saoudien d'origine sénégalaise, d'accord. Et puis je lui ai posé la question comme ça juste par curiosité, je lui ai dit est-ce que vous avez trouvé du racisme ici, comme comportement de certaines personnes qui vous traitent pas correctement. Et comment il m'a répondu? Il m'a dit une chose, et moi j'étais vraiment d'accord avec ce qu'il a dit. Il m'a dit, les gens te respectent selon ce que tu leur montres de ta personne. Hein? Donc si tu te respectes toi-même et que tu agis d'une manière honorable et respectable, les gens vont te respecter, malgré eux. Hein? C'est vrai, ils n'ont pas le choix. Mais par contre, si tu te respectes pas toi-même, eh bien, c'est sûr que dans ce cas-là, tu permets aux gens de te manquer de respect. D'accord? Donc c'est très important. Comment tu te présentes, comment tu agis, comment tu te comportes, ça a un effet sur les gens et c'est ce qui fait aussi justement que les gens, ils vont te respecter ou non. Si tu crains Allah, tu respectes ta religion, tu pratiques ta religion, tu as un bon comportement, il n'y a pas de raison pour que les gens te manquent de respect ou te dénigrent ou bien agissent mal envers toi. Hein? Donc ça c'est important aussi. Et pourquoi je mentionne ça, c'est parce que il y a des gens comme ça. Ils critiquent aussi des fois, ils disent oh mais on m'a maltraité, on m'a manqué de respect ou on a mal agi envers moi à cause de ma couleur ou à cause de ci ou de ça. Et puis quand tu réfléchis, tu dis peut-être que aussi c'était à cause de ton comportement, pas seulement nécessairement à cause de ta couleur. Il faut voir ça aussi. Hein? Et malheureusement, les gens ils font des amalgames aussi parfois par rapport à ça. Des gens, ils agissent comme des voyous ou bien ils agissent comme des gens qui savent pas vivre. Hein? Ils n'ont pas de bonnes manières. Et puis ils s'étonnent que les gens les regardent de mauvais regard. Hein? Donc il faut pas s'étonner dans ce cas-là. Hein? Les gens vont agir envers toi selon ce que tu leur montres de ta personne. Et si tu agis mal, les gens vont pas accepter ça, peu importe ta couleur. Hein? Et si tu prends un blanc là, qui est un voyou, et qui agit mal, et qui est impoli, et qui est grossier, et qui est mal élevé, mal éduqué, sans respect, personne va le respecter, même des blancs vont pas le respecter. Hein? C'est vrai. Donc tout ça, c'est pas seulement une question de couleur. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est la foi et c'est le bon comportement et c'est les bonnes manières. Et l'islam nous apprend le meilleur des comportements. Si quelqu'un est un bon musulman, son comportement va être bon. Hein? Et ça, c'est relié avec la foi. Tout ça, c'est relié avec la foi. Donc ça, c'est des points importants. Et le cheikh, il dit... Il n'y a pas donc de raison de se sentir fier, hein, par rapport à la noblesse de ton origine, de ta famille, de ta généalogie. Hein. Tu dis, moi je suis de telle maison, de telle famille, de tel peuple, de telle ethnie, et ainsi de suite. Donc je suis noble, donc je suis meilleur que les autres. Il dit ça veut rien dire. Hein? Il dit pour les croyants, hein, la fierté pour la noblesse par rapport à l'origine, elle est tombée. Elle n'a plus de valeur. De même que, il dit pour les croyants, qu'est-ce qui est devenu, hein, les caractéristiques de fierté et les adjectifs de fierté, c'est l'adjectif de la foi et d'être un croyant au lieu de telle ou de telle tribu. Hein, et les degrés de la religion sont devenus pour les croyants plus importants que les peuples et les nations. Et l'appartenance à la foi, hein, elle porte des caractéristiques et des descriptions et des qualificatifs qui, et c'est ça en fait qui donne à quelqu'un sa vraie noblesse et sa vraie valeur. Et donc le fait d'appartenir à l'islam et à la foi, ça, c'est plus, ça a plus de valeur et c'est meilleur que de prétendre appartenir à tel peuple ou à tel pays ou à telle nation ou à telle patrie. Et ça, c'est la règle de l'islam que Allah mentionne dans le Coran, le verset 13 dans sourate Al-Hujurat, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Le plus noble d'entre vous pour Allah, c'est le plus pieux, celui qui a le plus de taqwa, hein, qui a le plus de taqwa. Et at-taqwa, c'est le fait de faire ce que Allah ordonne et de s'écarter de ce qu'il interdit pour se préserver de son châtiment et pour qu'il nous récompense par son paradis. Parce qu'on a fait ce qu'il nous ordonne et qu'on s'est écarté de ce qu'il nous a interdit pour se protéger de son châtiment. C'est ça, at-taqwa. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit: وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى وهذا هو الأصل وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى. Donc le cheikh, il dit, on a uniquement donc mentionné l'interdiction d'imiter les bédouins et les non-arabes avec ce qu'on a mentionné comme mérite parmi eux, hein, et le fait de ne pas tenir compte de l'origine ou yani, de telle ethnie ou de tel pays ou de telle famille ou de tel yani, peuple ou peu importe. Hein, ou de tel endroit, il dit tout ça, c'est basé sur la règle que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que les habitants des villes, hein, parce que les habitants des villes, ça, il dit ça implique qu'une personne soit plus complète dans sa science et dans sa religion quand elle habite en ville. Pourquoi? Parce que en ville, dans les villes, Il y a des écoles, il y a des professeurs, il y a des savants, des gens qui vivent ensemble, qui ont appris, qui apprennent. Il y a du ilm, il y a les mosquées, hein. Donc, les gens qui vivent dans les villes, en général, ont plus de science, meilleure religion et des cœurs plus doux, hein. Et ça, c'est ce qui est impliqué par le fait de vivre dans les villes et qui n'est pas impliqué dans le fait de vivre à la campagne ou de vivre dans le désert comme les campagnards, les paysans ou bien les bédouins, hein, les gens qui vivent en dehors des villes. Eux, le cheikh dit, ils ont physiquement ils ont une dureté physiquement ils sont plus solides, plus durs. Et leur comportement aussi est plus dur, hein. Et leur façon de parler aussi, elle est plus dure aussi. Et ça, c'est quelque chose, en général, on trouve pas ça dans la ville, hein. Donc ça, c'est la règle de base, que les gens de la ville sont plus éduqués, ont plus de science, plus de religion et un cœur plus doux. Mais ça, on veut dire, quand on parle des villes, on parle des endroits où il y a plus de monde, mais ça ne veut pas dire nécessairement comme les grandes métropoles aujourd'hui, là, où on trouve plein de gens, mais il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup d'immoralité, il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de... Hein? Alors qu'aujourd'hui, des fois, on trouve le contraire de ça. qu'est-ce que le cheikh il dit, qui était à la base la règle, maintenant aujourd'hui des fois ça devient le contraire. Pourquoi? Parce que les gens ils n'ont plus de, dans les grandes villes, surtout dans les pays de Kufr, les gens ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de religion. Donc tu vois que les gens de la ville, ils ont plein de mœurs mauvaises, hein? Ils développent toutes sortes de mauvais comportements et des maladies, hein, dans le comportement, dans le cœur, dans l'attitude. Et tandis que tu vois des gens de la campagne parfois qui sont plus honnêtes, plus bien élevés, plus respectueux. Pourquoi? Parce que leur environnement est moins affecté par toutes sortes de maladies et de mauvaises mœurs et des vices, hein. Donc ça c'est pour dire que les choses sont différentes parfois. Ça peut être, il peut y avoir des c'est une règle, mais il y a toujours, comme on dit, des exceptions à la règle. Donc, à la base, hein, donc comme on voit, les gens de la ville sont en général, hein, plus savants, plus religieux, et le cœur plus doux. Hein, leurs manières sont plus raffinées. Tandis que les gens des campagnes ou du désert sont plus rudes. C'est des gens plus durs. Hein, et même dans leur façon de s'exprimer, ils ont pas de finesse, ils sont pas raffinés. Hein. Et il dit, ça c'est la base. Même si parfois on peut trouver des choses qui contredisent cette implication-là, à cause d'un empêchement quelconque. Et il dit que parfois les gens des campagnes ou les bédouins, hein, peuvent être plus bénéfiques et plus profitables que la ville. Hein. Le mode de vie de Bédouin peut être parfois plus profitable que le mode de vie des villes. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là. Il dit, وَهَذَا عَوْدٌ عَلَى مَا سَبَقَ فِي ذِكْرِ أَنَّ جِنْسِ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ أَفْضَلُ مِنْ جِنْسِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ يَغْلِبُ عَلَيْهِمُ الْجَفَاءُ وَعَدَمُ الْعِلْمِ وَالْغِلْظَةُ فِي الطِّبَاعِ وأما أهل الحاضرة فإن الغالب عليهم العلم والهدوء والتربي على الخصال الطيبة وهذا من حيث الجملة وقد تكون البادية أحسن من القرى لعارض سيء يحصل في القرى كالفتن والتعرض لها كما جاء في الحديث أنه قد يكون خير مال الإنسان غنما يرعاها في الجبل ويسلم دينه من الفتن. Donc le cheikh il dit donc que, pour revenir à qu'est-ce qu'on disait auparavant, c'est ça qu'on expliquait, que les gens de la ville, hein, le fait d'être un citadin, d'être quelqu'un de la ville, c'est mieux que d'être quelqu'un de la campagne ou un bédouin, hein, ou quelqu'un, un campagnard ou un bédouin, ou des choses de ce genre. Pourquoi? Il dit parce que les gens qui vivent à l'extérieur des villes, soit des bédouins ou des campagnards ou des gens qui vivent dans la brousse ou des choses comme ça, eh bien ils ont une dureté, hein, ils ont moins de science, ils sont plus durs, ils sont rudes, ils ont un tempérament qui est dur, qui est rude, hein, tandis que les gens de la ville, hein, eh bien, ils ont plus de connaissances, de sciences, ils sont plus doux, hein, et ils sont plus éduqués dans les bonnes manières et les bons comportements. Donc c'est ça en général. Mais il dit par contre, tu peux avoir dans certains cas des gens qui viennent de la campagne ou qui viennent du désert et qui sont meilleurs que ceux qui viennent des villes à cause de certains éléments mauvais qui peuvent se produire dans les villes parfois, comme les tribulations, les tentations, les péchés, les choses qui se produisent dans les villes, comme on a mentionné déjà. Et ça, c'est ce qu'on constate, par exemple, dans les pays de Kufr, comme ici, par exemple, au Canada ou bien aux États-Unis. Si tu vas à New York, par exemple, tu vas à Manhattan, ou bien tu vas à Brooklyn, ou bien tu vas aller East Orange, New York, New Jersey, ou bien des choses comme ça. Tu vas en Californie, dans certains quartiers, ou bien en Floride, ou bien peu importe où tu vas, yani, tu vas trouver des quartiers où les gens sont mauvais, ou bien il y a beaucoup de crimes, ou bien il y a de la drogue, ou bien des choses comme ça. C'est ce qui fait que les quartiers deviennent mauvais, que les gens développent des mauvaises mœurs, des mauvaises manières, des mauvais comportements. Hein? Donc ça c'est des éléments qui corrompent la société, qui font que les gens deviennent mauvais par la suite à cause de ça. Mais en général, c'est pas comme les gens de la campagne. Les gens de la campagne, en général, dans la campagne, c'est plus calme, c'est plus doux. Il y a un air qui est meilleur, hein, à respirer. Il y a des bonnes choses dans la campagne. Le problème, c'est que si les gens de la campagne ne sont pas éduqués ou ne sont pas bien élevés ou n'ont pas les bonnes mœurs, ils peuvent développer des comportements vraiment très mauvais, s'ils sont mauvais. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, c'est pour dire qu'il y a toujours des, comme on disait tout à l'heure, il y a des exceptions. Et il dit que, par exemple, dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné qu'à la fin des temps, il allait avoir des fitanes. Et que, il dit parfois, la meilleure richesse ou le meilleur bien qu'une personne peut posséder, c'est des moutons qu'il fait pâtre. Il va faire pâtre les moutons dans les montagnes pour se préserver dans sa religion quand il y a des fitanes. Hein? C'est ce qu'on appelle l'uzla. Hein? Dans les moments de fitanes, quand il y a trop de tentations et de désordres et de tribulations, quelqu'un s'éloigne dans des villes, il s'en va dans la montagne avec ses moutons et puis il vit à l'écart des problèmes. Hein? Donc ça c'est un exemple de ce genre de situation exceptionnelle que le cheikh a mentionné. Il dit « وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْأَفْرَادِ فَرُبَّمَا يَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ كَثِيرًا مِمَّنْ هُوَ فِي الْحَاضِرَةِ وَكَمَا أَنَّ الْبَادِيَةِ فيها منافقون فكذلك الحاضرة أيضا فيها منافقون فالعبرة ليست بالوطن وليست بالنسب ولا باللغة وإنما العبرة بصلاح القلوب واستقامة الأعمال وهذا هو المقصود في هذا الأمر ولهذا نهي عن دعوى الجاهلية وعن التفاخر بالأحساب والأنساب وإنما نهي عن ذلك بما فيه من الاعتزاء إلى غير الدين. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les individus, eh bien, peut-être que quelqu'un qui vient de la campagne ou du désert est meilleur que beaucoup d'entre ceux qui viennent de la ville. Comme on peut trouver parmi les gens de la ville des hypocrites, et de même qu'on peut trouver dans les bédouins des munafiqoun, des hypocrites, de même que dans les gens de la ville, on peut aussi trouver des hypocrites. Hein, des munafiqoun. Donc il dit qu'est-ce qui est important, ou bien le point c'est quoi, c'est que l'important c'est pas l'endroit ou l'endroit d'où tu viens exactement, ni ton ethnie, ni ta couleur, ni ta langue. Il dit l'important vraiment c'est que ton cœur soit bon et que tes œuvres soient droites. Hein? C'est ça qui est le but, hein, de ce qu'on a expliqué par rapport à cette affaire. Et c'est pour ça que l'islam nous interdit d'inviter aux manières de la jahiliya et d'appeler aux méthodes et aux voies de la jahiliya, comme le fait de se vanter de ses origines ou de sa noblesse. Hein? De se vanter de son ethnie ou de sa couleur ou de sa tribu ou de sa famille, hein, d'appeler au tribalisme, au nationalisme, hein. Et ça c'est des idéologies qui sont courantes à notre époque, malheureusement, hein. Et il y a des gens comme ça qui ont ces idées là il y a des gens qui ont ces idées là aujourd'hui. Même on dit que les courants nationalistes actuellement sont en hausse. Et même que parfois dans beaucoup de pays, même en Europe, maintenant, c'est des partis nationalistes qui gagnent les élections. Des partis nationalistes qui sont souvent de l'extrême droite. Hein? Allah al-Musta'an. Donc pourquoi? Parce que c'est le nationalisme, le chauvinisme, le patriotisme, hein? Toutes ces, c'est le tribalisme, toutes ces choses-là, c'est ça. Parce qu'on se ressemble, on a les mêmes traits, hein, même couleur de peau, même trait de visage, même constitution physique, même lieu géographique, même langue, même dialecte, même accent, on est pareil, donc on s'aime. Non, ça veut rien dire. Hein. L'islam, c'est pas basé sur ça. Et malheureusement, les gens que tu trouves qui ont cette mentalité-là, c'est malheureux, mais franchement, c'est basé sur rien, ça. Et quand tu regardes les gens comme, par exemple, les gens d'extrême droite comme Hitler, hein, et Mussolini, et les courants fascistes, hein, en Europe, et comment ils ont détesté les autres nations et les autres peuples, uniquement parce qu'ils ne sont pas de la même couleur ou de la même ethnie ou du même pays ou de la même race ou de la même langue. Ça, c'est, tu vois que c'est ridicule tout ça. Mais malgré ça, tu vois que ça marche encore parce que ces courants-là continuent à gagner des élections encore aujourd'hui. Hein? Hitler, il a été élu démocratiquement. Et tu vois les partis en Europe qui prônent ces idées-là aujourd'hui. Ils sont encore élus, hein, alors qu'ils devraient être logiquement interdits. Mais non, mais c'est parce que les koufars, ils préfèrent interdire l'islam et combattre l'islam que d'interdire le racisme et d'interdire ces formes de discrimination ou ces groupes extrémistes qui détestent les autres uniquement à cause de leur origine. On a dit tout à l'heure, c'est des facteurs qu'on n'a même pas choisis, qu'on n'a même pas déterminés. Est-ce que quelqu'un qui est allemand, qui a les cheveux blonds et qui a les yeux bleus, c'est lui qui a choisi ça? Quand il était dans le ventre de sa mère, il a choisi la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, la couleur l'origine de ses parents, c'est lui qui a choisi ça? Non. Donc pourquoi il aurait un mérite là-dedans? Une fois j'ai parlé avec un juif, justement, je lui disais ça. Je lui dis, est-ce que c'est toi qui as choisi d'être juif? Parce que les juifs, en fait, ils pensent que, hein, ils sont le peuple élu de Dieu. Et ils pensent donc que s'ils sont nés d'une mère juive, c'est parce que Dieu les a aimés, il les a choisis pour qu'ils soient nés, hein, d'une mère juive. Oui, c'est comme ça leur mentalité. Donc, c'est comme si pour dire, on est les meilleurs êtres humains, donc si quelqu'un est né juif, ça veut dire Dieu l'a aimé déjà en partant. Sinon, il serait né d'une mère non juive. Ça, déjà, c'est de l'ignorance. C'est de l'égarement. Comment quelqu'un peut avoir cette mentalité raciste, ou bien cette mentalité, subhanallah, penser que parce que tu es de telle origine, de tel peuple, tu es meilleur qu'un autre peuple. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, non. Il a pas voulu que sa religion soit basée sur une ethnie, ou sur une couleur, ou sur une langue ou sur un peuple comme ça. Le Bani Israël, Allah leur a envoyé des prophètes. Allah a envoyé des prophètes à d'autres peuples aussi. Et il a envoyé le dernier des messagers qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour tous les peuples. Mais eux, ils ont refusé de croire. Ils ont voulu rester avec leurs prophètes que Allah a envoyé pour eux à une époque très ancienne. Et après, ils n'ont pas voulu accepter le prophète que Allah a envoyé pour que tous les peuples puissent vivre unis ensemble. C'est pour ça qu'ils sont restés entre eux comme ça. Hein? Même ils se marient juste entre eux. Hein? Et donc, tu vois apparaître chez eux plein de maladies. Plein de maladies congénitales. Pourquoi? Parce qu'ils se marient qu'entre eux, les gènes ne se mélangent pas. Donc, à force de ne pas se mélanger et de rester toujours juste entre les mêmes membres proches de la famille, les maladies congénitales, elles se multiplient. Et c'est pour ça que tu trouves parmi des groupes comme ça, il y a des maladies qui reviennent beaucoup. Nasarallah al-afiyah. Donc, le cheikh, il dit ensuite que... Donc, le fait qu'il peut y avoir l'endroit d'où tu viens, c'est pas ça qui détermine si tu es sur la vérité ou sur le faux. Il y a des gens de la ville qui sont bons, il y a des gens de la ville qui sont mauvais. Il y a des gens de la campagne qui sont bons, il y en a d'autres qui sont mauvais. Il y a des munafiqoun dans les deux. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est pas l'origine, c'est pas la langue, c'est pas la couleur, c'est pas l'ethnie. Mais c'est, comme on a dit, le fait que quelqu'un ait un bon cœur et les bonnes œuvres, et on ne doit pas se vanter pour ces choses-là. Il dit, l'islam nous a interdit de chercher la fierté dans autre chose que la religion. Donc, tu ne dois pas chercher la fierté dans autre chose que la religion. Et il termine ce point-là, le Cheikh Al-Fawzan, en disant, « وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخ أَنَّ الْأَسْمَاء مِنْهَا مَا هُوَ مَحْمُودٌ hein, » كَالْإِسْلَامُ وَكَالْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَذْمُومٌ كَالْكُفُرُ وَالنِّفَاقُ وَالْفُسُوقُ لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ مِنَ الْمَعَانِي الْحَسَنَةِ أَوْ السَّيِّئَةِ. Donc il dit, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il explique que les noms, il y en a qui sont louables, comme la foi, l'islam, et il y en a d'autres qui sont blâmables, comme le kufr, le nifaq et le fusuq. Ça, c'est des noms blâmables. Et pourquoi ces noms sont louables ou blâmables? C'est parce qu'ils indiquent des significations qui sont soit bonnes ou mauvaises. Hein? Et donc, c'est ça qui doit être pris en considération. Et le cheikh, il dit, bon, il reste encore un peu de temps. Le cheikh, il dit, Ibn Taymiyyah, وَكَذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ الرُّسُلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. Donc le cheikh il dit, et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les messagers soient des habitants des villes, hein? Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 109 dans sourate Yusuf, et nous n'avons envoyé avant toi excepté que des hommes à qui nous avons révélé une révélation, hein, parmi les habitants des villes. Donc les prophètes, c'était des gens qui viennent des villes, c'était des citadins, c'était pas des bédouins ou des campagnards, hein. Et il dit, et c'est ainsi donc, Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, c'est ainsi que les messagers avaient la perfection, hein. C'est des gens, Allah il a choisi des hommes qui étaient complets pour être prophète et messager, hein, dans les choses générales, dans leurs aspects généraux, ils étaient complets et parfaits. Et ça comprend même leur origine et yani d'où ils viennent et ainsi de suite. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ce point-là. Il dit, Cheikh rahimahullah yaqulu inna Allah jalla wa ala لم يبعث نبيا إلا من أهل الحاضرة وهذا مما يدل على فضل أهل الحاضرة على أهل البادية لأن ساكن الحاضرة في الغالب يكون مهذبا ومؤدبا وناشئا على حسن الخلق والآداب الطيبة ولذلك يبعث الله الرسل من القرى قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan rahimahullah, hafizahullah, il dit que le cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas envoyé de prophète excepté qu'il faisait partie des gens de la ville. Et ça, c'est ce qui indique que les gens de la ville, ils ont un mérite sur les gens de la campagne ou les gens du désert. Parce que les habitants de la ville, en général, ils sont mieux éduqués, ils ont un meilleur comportement, ils ont des mœurs plus raffinées, hein. Leurs manières sont plus raffinées et plus, ils ont des meilleurs comportements. Et il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé de messager excepté qu'il faisait partie des gens de la ville. Et il mentionne le verset 109 qu'on a lu dans Sourate Yusuf qui confirme ce point-là. Hein, min ahli al-qura. Et il explique que al-qura jam'u qariya. Hein, al-qura wal-qura jam'u qariya. Wa hiya mahallu ijtima'i an-nas wa suknahum. Qala subhanahu wa ta'ala wa ma kana rabbuka muhlika al-qura hatta yab'atha في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا يعني في أمها أي في أم القرى ولهذا بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة وهي أم القرى لأن القرى ترجع إليها فالقرى في الغالب لا بد أن لها نظاما لما ولها إدارة ترجع إليها وحاضرة القرى وقاعدتها هي مكة المشرفة وفيها بيت الله العتيق فلذلك اختار الله منها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فالرسل جميعا كانوا من أهل القرى ولم يكونوا من أهل البوادي لأن أهل القرى أعلم وأحلم فأخبر الله تعالى نبيه أن رسالته ماضية على سنة الله في إرسال الأنبياء من أهل الحاضرة لما فيها من الصفات التي ذكرناها ولهذا قال الشيخ رحمه الله لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب فالنبي يبعث في أشراف قومه كما قال هرقل لأبي سفيان دونك le cheikh il dit que le mot qura en arabe c'est le pluriel du mot qarya c'est le pluriel du mot qarya donc qarya c'est la ville ou le village hein? La ville ou le village et ou la cité on peut traduire ça de différentes façons et c'est l'endroit dans lequel les gens se réunissent pour habiter ou pour vivre hein? Et le cheikh il a cité un verset qui est le verset 59 dans sourate Al-Qasas dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ton Seigneur ne fait pas périr des cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole un messager pour leur réciter nos versets et nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes donc ici la métropole c'est-à-dire Al-Umm ils l'ont traduit par métropole Ummiha hein يعني حتى يبعث في أمها donc الأم أم القرى c'est la ville mère c'est la ville mère et la ville mère dans laquelle le prophète صلى الله عليه وسلم a été envoyé c'est Mecca hein, on peut dire la métropole c'est la ville centrale la ville importante et il dit pourquoi parce que les autres villes sont ralliées à cette ville là hein, cette ville il y a des petites villes autour mais Mecca c'est la grande ville c'est pour ça qu'on l'appelle Ummul Qura donc tous les autres villes reviennent vers celle-ci hein? Et il dit donc les villes elles reviennent à cette ville-là en général. De même que dans les villes, le cheikh dit en général, dans les villes, il y a une organisation. Hein? Il y a un système, il y a une organisation. Il y a une administration. C'est pas le chaos. C'est pas n'importe qui fait comme il veut, non. Il y a des règles, il y a de l'ordre, il y a une organisation, il y a une administration. Hein? Il y a un système. Hein? Il y a un système qui fonctionne. Et donc, c'est pour ça que tu vois que les gens sont plus disciplinés, hein, plus organisés, plus ordonnés. Tandis que les gens de la campagne, ils n'ont pas ça, ils ne connaissent pas ça. Yarhamukallah. Ça, c'est un exemple comme si des fois tu vois des choses que tu constates quand tu vas, tu voyages, tu vas dans des endroits par exemple, et puis tu vois tout de suite dans la façon comment les gens se comportent. Tu peux tout de suite savoir qui vient de la ville, qui vient pas de la ville. Juste dans la façon comment les gens agissent. Hein? Oui, même la démarche. Et même, par exemple, j'ai vu des gens, par exemple, quelque part. Tu vois des gens qui arrivent à l'aéroport. Quelqu'un qui n'est jamais venu à la ville, qui vient à l'aéroport pour la première fois. Tu vois que il connaît pas les, la façon comment les gens font les choses, comment ils sont, ça. Si les gens sont en ligne, lui il vient devant tout le monde et puis il veut prendre, hein, parler. Hey, moi, pourquoi il fait ça? Parce que il sait pas, il connaît pas qu'il y a un ordre, qu'il faut attendre son tour, hein. Peut-être qu'il faut prendre un numéro, ou peut-être qu'il faut rester en ligne, ou bien des choses comme ça. Donc lui, il ne sait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il vient de la campagne, ou bien il vient de la brousse, ou bien il vient de l'extérieur de la ville. Il ne connaît pas les conventions qui existent dans, les, dans la ville. Donc, c'est très difficile de faire apprendre ça à des gens qui n'ont pas connu ces choses-là. Ça, c'est des exemples qui montrent la différence dans le comportement. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La différence dans, hein, l'éducation et le comportement et les manières. Hein? Il y a des exemples comme ça, tu vois, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez le bédouin qui est rentré dans la mosquée, il a uriné dans la mosquée, il ne savait pas. Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas dans la ville. Il ne sait pas qu'on ne fait pas ça. Dans le désert, tu peux uriner où tu veux. Hein? Il n'y a personne. Mais quand tu arrives à la ville, non, tu ne peux pas faire ça. Il y a des règles. Le bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une écharpe dans son cou. Il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait comme une écharpe dans son cou. Peut-être qu'il était comme ça. Lui, il a dit, ô messager d'Allah, donne-moi ce que Allah t'a donné. Il est venu l'attirer fort comme ça pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne ça. Tellement il a tiré fort que ça a marqué, ça lui a fait une marque dans le cou. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rien dit. Il a ri, il a lui a donné. Mais les gens étaient c'est pour ça, les gens ils sont pas choqués. Pourquoi? Parce que ils savent que c'est un bédouin, il est comme ça. C'est leur manière. Ils connaissent pas ils connaissent pas les conventions. Ils connaissent pas les mœurs et la façon comment on doit se comporter dans la ville. Donc, le cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi donc, hein, son messager de la plus grande ville de sa région et de ses, c'est la plus grande ville parce que c'est, yani, Umul Qura, hein, c'est la plus grande métropole, c'est la règle de toutes les autres, c'est la ville bénie et la ville, noble, sainte. La ville dans laquelle il y a la maison d'Allah, la maison qui a été bâtie, hein, pour son adoration par Ibrahim alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi donc que son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit de cette ville-là. Hein. Et il dit, tous les messagers aussi étaient de grandes villes et de grandes métropoles aussi. Ils n'étaient pas des habitants du désert ou de la campagne ou des choses comme ça. Il dit parce que les gens de la ville sont plus savants, ils ont plus de science, ils ont plus de sont plus des gens posés, plus des gens yani, qui ont de la sagesse et qui ont de la compassion et ainsi de suite. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَأَخْبَرَ اللَّهُ Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit donc que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son message va être jusqu'à la fin des temps. Et que la sunna d'Allah dans le fait d'envoyer les messagers dans les villes, c'est parce que dans les gens de la ville, ils ont les caractéristiques qu'on a mentionnées. Et c'est pour ça que le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, parce que les messagers, ils sont des hommes qui sont complets. Hein, et qui ont des mœurs, hein, qui sont en général les mœurs les plus parfaites, hein, même dans leur lignée, même dans leur famille, la noblesse, c'est des gens de la noblesse en général, des gens bien élevés, des gens de famille noble, respectable. Et les prophètes, ils étaient donc toujours envoyés parmi les nobles de leur peuple, hein. Et ça, c'est également qu'est-ce que Héraclius avait dit. Ouais, Héraclius, c'est un empereur. byzantin, empereur byzantin. Ok, la Byzance est une ville d'Orient dont les richesses et le luxe sont proverbiaux, fondée vers 600, située sur le Bosphore et la mer Marmara. Elle prend le nom de Constantinople. Donc c'est là où se trouve la Turquie aujourd'hui. Byzance. Ben oui, c'est ça, Byzance. C'est Constantinople. C'est cet endroit-là. Donc c'est ça. Et le cheikh, il cite après les versets qu'on avait lus déjà dans Sourate At-Tawbah, le verset 97, à propos des bédouins et leur comportement et tout ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera ça au prochain cours, Inch'Allah, avec les explications. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.